Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme pour ce 160e, pour l'ouverture, non pas des Jeux Olympiques, on n'en est encore pas là, mais pour l'ouverture de ce 160e numéro de Coup de cœur. Ça commence à compter. Quoi vous dire ? Eh bien, alors là, ça va être la bonne humeur, ça va être vraiment les artistes que vous retrouvez quand vous faites une fête, quand vous fêtez un anniversaire, quand vous participez à un mariage. Est-ce que vous les avez reconnus ? Ils sont pas seuls, hein. C'est une compagnie, on va dire. Allez, on commence tout de suite, on va parler de leur carrière, on va parler de la composition du groupe, également de leur actualité, enfin de plein de choses, de leur univers également. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Oh, yeah. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Allez, on a décidé aujourd'hui de vous déverser des tonnes de soleil via notre antenne grâce à ce groupe caribéen guyanais. En effet, il est né sous le ciel des îles caribéennes en 1975, ce groupe, la Compagnie Créole, qui connaît son heure de gloire dans les années 80 avec de nombreux titres qu'on peut qualifier de joyeux. Cette compagnie, ambassadrice de la musique des Antilles, reste très populaire dans l'univers francophone à travers le bal masqué qu'on vient d'écouter, également ça fait rire les oiseaux et ses autres morceaux phares. Fondé en 75 donc, le groupe sort un premier album en 1976, Bamoy Thibault. En 82, au bout de 7 années d'expérience scénique et de création, quand même un délai de 6 ans, le collectif présente son premier opus créole Blogodo, qui fait un énorme tabac aux Antilles et dans les Caraïbes. Nous allons retrouver la Compagnie Créole, puis le groupe Cassave, qui, je vous le rappelle, a perdu son chanteur Jacob Desvarieux en juillet 21. Il était chanteur, il était guitariste du groupe. Il est décédé du Covid. Nos coups de cœur, on ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. On revient à notre compagnie créole. Alors, fort de cette première expérience positive avec l'opus Blue Godot, les musiciens chanteurs décident de partir à l'assaut d'une scène plus vaste en composant des chansons en français. Pari réussi, ils conquièrent immédiatement le public français et francophone avec ses fameux deux titres « C'est bon pour le moral » et « Vive le douanier Rousseau » en 1983. Alors, quelques détails et explications supplémentaires concernant l'histoire de la chanson « C'est bon pour le moral ». En fait, la compagnie créole a été repérée et a été découverte par un ex-chanteur canadien qui s'appelle Daniel Vanguard, qui est devenu compositeur et producteur. Parallèlement à la production avec son complice, le parolier Jean Clugère, Daniel Vanguard continue de créer des chansons à succès pour de nombreux artistes français internationaux. Et justement, au moment où la compagnie débarque en France avec son album Créole, lui et Jean Clugère imaginent une nouvelle chanson pleine de bonne humeur. En entendant dans un talk show, c'est tout bête, hein, en entendant dans un talk show sur une grande radio périphérique un invité dire « c'est bon pour le moral », Jean Clugère trouve le point de départ des paroles qui vont accompagner la nouvelle mélodie de Vanguard. n'allez pas croire pour autant que les deux hommes destinent comme une évidence leur nouvelle création à la compagnie créole. Ce n'est pas du tout le cas. Le premier à qui ils pensent est Marcel Hamon. Mais voilà, lorsque Jean Clugère se rapproche de Marcel, ce dernier ne prend pas le temps d'écouter la chanson. Il envoie poliment son auteur vers son manager, qui ne donnera évidemment jamais suite. Commence alors la recherche d'un interprète pour cette chanson, en laquelle Jean et Daniel mettent beaucoup d'espoir. À aucun moment, ils ne songent à la compagnie créole, qui pour eux est cloisonnée à un répertoire créole, justement. Ils proposent alors « C'est bon pour le moral » à Carlos, Charlotte Julien, Patrick Sébastien et enfin Annie Cordy, mais aucun ne s'y intéresse. Que faire de la chanson ? Parallèlement à tout ça, à Londres, lors d'une séance d'enregistrement d'Amy Stewart produite par Daniel Vanguard, celle-ci enregistre entre deux séances le playback de « C'est bon pour le moral ». Quelques jours plus tard à Paris, l'un des membres de la compagnie créole, Arthur Apatou, entend la musique et craque littéralement. Il insiste auprès de Daniel Vanguard pour que le groupe l'enregistre et finit par le convaincre. Le disque sort au début de l'année 82, chez Carrère encore. Lorsque la chanson « C'est bon pour le moral » est proposée au directeur général de la station RTL, qui est Roger Kreischer à l'époque, ce dernier refuse de la programmer sur ses ondes, estimant qu'il ne s'agit que d'une chanson de bal. Finalement, c'est grâce à Guy Lux, qui accepte de passer une minute de la chanson dans son émission Cadence 3, que s'ouvrent les portes du succès. En l'entendant dans l'émission télévisée, Monique Lemarcy, programmatrice musicale de RTL, est séduite par la joie communicatrice du titre. Elle décide de le rentrer immédiatement en programmation. De nombreuses autres radios suivront. Et petite anecdote qui est en faveur de la compagnie créole, l'impossibilité pour Claude Barzotti de participer à la grande tournée d'été RMC avec Patrick Sébastien va décider l'imitateur-animateur à faire appel à la compagnie créole pour assurer sa première partie avec leur tube « C'est bon pour le moral ». On les écoute et on retrouve juste après Philippe Laville et Justine Berroir, collés serrés. Fadjet. Coup de cœur. À Nancy sur 94.2. Je vous propose maintenant de revenir sur la composition de cette compagnie créole. Ils sont originaires des Antilles, ces membres du groupe, et ils voient le jour en Martinique, en Guyane française et en Guadeloupe. L'aîné du groupe n'est autre que le bassiste et chanteur Julien Tarquin, qui naît à Marigot, en Martinique, en septembre 48. Le cadet, c'est le guitariste, percussionniste et chanteur José Sebeloué, qui voit le jour à Ouanari, en Guyane française, en septembre 48. La troisième, c'est la chanteuse, l'unique femme du groupe, Clémence Brington, qui naît d'un père américain à un endroit qui s'appelle Le Robert, en Martinique, en décembre 48. Le quatrième, c'est le batteur, percussionniste et chanteur Guy Bévert, qui lui est né à Basse-Terre en Guadeloupe en février 49. Enfin, le Benjamin, c'est le guitariste et chanteur Arthur Apatou, et qui est né à Pointe-à-Pitre en juin 51. Mais lui, plus tard, afin d'embrasser le métier de producteur, il ne fera plus partie de la formation. Alors après leur première rencontre dans un club antillais de Paris dans les années 70, les cinq amis ont donc décidé de former un groupe de musique créole, simplement à baptiser La Compagnie Créole. Après l'immense succès de leur première chanson en français, Daniel Vanguard est sollicité par les organisateurs de l'Eurovision afin que La Compagnie Créole représente la France lors du grand concours. Alors il accepte que son groupe participe à la présélection française et pour cela, il compose une nouvelle mélodie très dansante. Alors sur cette musique, il pense d'abord à écrire un texte faisant référence au peintre Pablo Picasso. Finalement, pour une question de droit, il y renonce et se met en quête d'autres paroles. Un soir, alors que Daniel sèche sur le nouveau texte, son acolyte, le parolier Jean Clugère, dont on a parlé tout à l'heure, ayant repéré dans l'entrée un tableau qui faisait penser à une œuvre du douanier Rousseau, il lui suggère d'écrire les paroles faisant référence au célèbre peintre naïf français. Cette suggestion est la clé de l'inspiration de Daniel Vanguard, qui écrit en quelques heures Vive le douanier Rousseau. Avec ce titre, La Compagnie Créole se présente à la présélection française de l'Eurovision 1983. Pourtant, elle n'arrive que deuxième, derrière un certain Guy Bonnet et sa chanson Vivre. La Compagnie Créole est donc privée de concours Eurovision. Un peu déçu, Daniel Vanguard remise sa chanson dans un carton avant de décider quelques mois plus tard de la sortir. Le succès de Vive le douanier Rousseau est énorme. Avec ce titre, la compagnie se classe dans les premières places des hits et conforte sa popularité en s'inscrivant de façon durable dans l'inconscient collectif français comme l'un des meilleurs groupes pour faire la fête. Alors, anecdote, en avril 83, le fameux Guy Bonnet, qui a représenté la France, est arrivé huitième à la finale du concours qui se tenait à Munich. Et c'est Corinne Hermès qui représentait le Luxembourg avec un titre « Si la vie est cadeau » qui a remporté l'Eurovision. Alors, je vous propose d'écouter ce titre de la Compagnie Créole et la petite Corinne Hermès également qui était vainqueur de l'Eurovision. balancez à droite, ha, ha. Vous avez tout compris, ça balance bien. On va chanter maintenant. Hey, hey. C'est un vrai paradis. Encore. C'est un vrai paradis. Guitare. Fadjet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Nous, c'était du bleu, un ciel d'été, un océan. We'll be right back. Sachez, si vous nous rejoignez à l'instant, que dans Coup de cœur aujourd'hui, la température de l'eau est très agréable, le ciel est tout bleu. Et si vous avez envie de retrouver cette émission, sachez que vous pouvez le faire en podcast sur notre site internet, bien sûr. Fadjet sur internet, www.fadjet.net. Les tubes à la tête des hit-parades s'enchaînent, conférant au groupe une multitude de disques d'or et de platines. Recitons le titre retentissant « Bon baiser de Fort-de-France », le brillant « Bal masqué », le très joyeux « Ça fait rire les oiseaux » et l'inoubliable « Sans chemise, sans pantalon ». À chaque sortie, c'est la fête et la bonne humeur qui sont transmises à travers les disques et les nombreux concerts du collectif, dont ceux de l'Olympia et ceux des différents festivals auxquels il est invité. Suite à leurs nombreux succès communs jusqu'à l'aube des années 90, les membres de la Compagnie Créole s'essayent à d'autres projets dès 1992. On en reparle dans quelques instants, mais pour l'instant, on écoute les oiseaux. C'est donc en 1992 que José Sebeloué et Clémence Brington publient un opus en duo. Alors parmi les pièces, on retrouve Le Jardin du Bonheur, également Espérance, également Le Mardi Gras. Quatre ans plus tard, c'est la chanteuse qui livre sa version solo très vivante des Rois Mages de Sheila. Entre-temps, une compilation du groupe au titre nostalgique, leur plus grand succès, est dans les bacs. Il sera suivi par un DVD inédit et un best-of de la compagnie en 2003. Parallèlement à ces publications, le collectif continue à propager sa joie contagieuse dans les salles des fêtes un petit peu partout, avec sa musique zouk très colorée bien sûr. Après une décennie plus terne, dans les années 90, la compagnie créole se rappelle au bon souvenir général pour la plus grande fiesta créole, le titre de l'album en 2005. Et il était consacré à des titres aux sonorités latino. Également le Megamix 2007 qui revisite ses immenses tubes et qui permet à la compagnie créole de retrouver les hits parades. En 2008, Noël avec la compagnie créole est l'occasion de deux nouveaux tubes, le même titre que l'album, et puis Oh Oh Obama en prise directe avec l'actualité. Toujours très populaire en Outre-mer et en métropole, ce groupe participe en 2009 et 2010 à la quatrième saison de la tournée Hache Tendre et Tête de Bois, aux côtés de Sheila et de Marcel Amon justement. Je vous propose d'écouter deux de ces créations hors du groupe, j'en ai parlé. C'est le duo entre José et Clémence. Le premier titre s'appelle « Le jardin du bonheur ». Oh, Eh bien, toutes ces petites pépites que vous ne connaissiez peut-être pas, faites-nous confiance, on fouille, on vous les retrouve. C'était un duo entre Clémence et puis José. Maintenant, elle a repris également, elle a revisité complètement la chanson de Sheila, Les Rois Mages. Eh bien, on l'écoute tout de suite. Revisite son répertoire par le biais de duos avec Colonel Riel, Moussier Tombola, Patrick Sébastien ou encore Hugo Frey. Sorti en octobre, En Bonne Compagnie comprend également une poignée de nouveaux titres. C'est le titre de l'album En Bonne Compagnie, sans intérêt majeur, ce qui ne l'empêche pas de faire une entrée fracassante parmi les meilleures ventes françaises. 35 ans après ses débuts, la troupe est toujours partante pour faire la fête autour d'un rythme dansant. C'est ce que démontre à l'été 2015 l'album Carnaval du Monde, célébrant les festivités déguisées portées par le tube Viva la Fiesta, relecture exotique de Nana Yeye Kissing Goodbye du groupe Stream. En 2019, un nouvel album est proposé, son titre Les Forces de l'Amour. Alors cet album est né par hasard à la suite de concerts donnés en faveur de la lutte contre une maladie de sang qui s'appelle l'ocytose. Le public était très enthousiaste et cet opus réunit 13 titres aux inspirations totalement diverses, des airs traditionnels de gospel, de negro spirituel, des chansons créoles, des reprises d'Elvis Presley, de Percy Sledge, mais aussi des créations comme Les Forces de l'Amour que nous allons écouter tout de suite. C'est un titre qui est un hommage à Nelson Mandela. En sortant de prison, il était plein de compassion, de pardon à l'égard de ses anciens tortionnaires. Donc le titre, c'est Les Forces de l'Amour, mais ça s'appelle aussi Hommage à Madiba. Oui, un jour viendra où la planète un soir de décembre, il prit le large vers un monde nouveau. Un monde où il n'y a ni pleurs, ni souffrances, ni haine. Mais avant de tirer sa révérence pour ce monde de bonheur, il nous fit part de ce bel héritage, un héritage d'amour. Alors, merci Madiba. Je ne sais pas si ce titre a été diffusé de nombreuses fois sur les radios, quelles qu'elles soient, mais chez nous, bah écoutez, on ne peut pas passer à côté, c'est très très joli. Allez, quelques mots encore. À l'été 2020, le groupe détourne une vidéo de leur propre tube, Le Bal Masqué, en modifiant les paroles, en sortant masqué pour inciter le port du masque lors de la pandémie du Covid-19. L'actualité toute récente maintenant, c'est une tournée qui a emmené les artistes aux quatre coins du Québec, de la Tuque à Montréal. La compagnie créole a invité une fois de plus le public à oublier ses petits et ses grands problèmes, à commencer par la pandémie qui avait retardé la venue du groupe de 2 ans. À noter que la compagnie créole a offert ses premiers spectacles au Québec en 1988. On va les retrouver en public dans un titre en quelque sorte qui résume tout, La machine à danser. Ce dernier titre en live, eh bien, il est un petit peu écourté parce que je tenais vraiment à vous diffuser l'hommage à Mandela. C'était vraiment une très très jolie chanson, un très très bon moment. Je vais faire très vite parce que je ne veux pas me faire tirer les oreilles. Le carillon de l'heure doit retentir sur Fadjet dans quelques secondes. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve jeudi prochain à partir de 17h. D'ici là, eh bien, que tout se passe bien pour vous. Salut et salut et salut.